Chercher. Chercher se dit buscar. B, U, S, C, A, R. Alors, je le cherchais parce que je l'avais perdu, mais je n'ai pas pu le trouver. On dira ça comment? Busquer. Si vous dites busquer, on vous comprendra. Mais est-ce que vous savez ce que busquer veut dire? J'ai cherché. Bon, hein, vous devez d'abord savoir que quand on insiste sur l'avant-dernière syllabe, quand vous le faites, quand vous dites busquer, c'est soit du présent, soit... De l'impératif. De l'impératif, hein, c'est exact. Ou du subjonctif. Alors, busquer signifie... Chercher. C'est ça. Hein. Chercher, c'est un ordre. Hein. Busquer, qui s'écrit B-U-S-Q-U-E. Donc, avec Q-U au lieu de C de buscar et busca, pour conserver le son que avant E. Busquer, chercher, trouvez-le, regardez, hein, chercher, et il cherche, se dit busca. Mais vous ne voulez pas dire cherchez-le, mais je le cherchais parce que je l'avais perdu. Hein. Je le cherchais, c'est une ligne dans le passé. Lo buscaba. C'est bien. Hein? Parfois, vous pensez, ah oui, hein, je le sais, hein, ça devrait me revenir. Mais ça, c'est revenir aux vieilles habitudes scolaires du par cœur et du bachotage. Hein? Ça, c'est deviner. Moi, je voudrais que vous preniez votre temps, hein, toujours en réfléchissant bien. Il est important, il est très important que vous sachiez ce que vous faites. Hein? Alors, réfléchissez bien et essayez. La communication, ce n'est pas une course de vitesse. Il est important de ne jamais projeter votre propre impatience, hein, que vous ne devriez pas avoir. Je veux dire de l'impatience envers vous-même. Ne projetez pas votre propre impatience sur les autres, hein, en pensant qu'ils sont aussi impatients que vous. Parce que ils ne le seront pas. Hein, parce que s'ils l'étaient, vous n'auriez pas envie de communiquer avec eux, quelle que soit la langue parlée. Alors, encore une fois, « je le cherchais » se dira « lo buscaba ». C'est ça, bien sûr. Hein? « Aba » ou « ia ». Alors, « je le cherchais parce que je l'avais perdu, mais je n'ai pas pu le trouver. » Donc, « lo buscaba » parce que je l'avais perdu. Comment dit-on « perdre » ?« Perder ». « Perder ». D'accord. Alors, parce que je l'avais perdu, porque, hein, je l'avais, hein, là, on a besoin de monter sur notre plongeoir. Lo había, d'accord. Hein, donc là, vous êtes monté sur le plongeoir. Il ne vous reste plus qu'à plonger. Hein, je l'avais perdu, lo había... Perdido. Lo había perdido, hein, tout à fait. Porque lo había perdido. Mais... Je n'ai pas pu le trouver. Pero. Je n'ai pas pu le trouver. Comment dit-on je peux? Puedo. Alors, je n'ai pas pu. Là, c'est un point ou une ligne dans le passé? C'est un point. Un point, d'accord. Alors, j'ai pu. Pude. Et donc, je n'ai pas pu le trouver. No pude. Et trouver se dit enc. Encontrarlo. Oui. Alors, encore une fois, je n'ai pas pu le trouver. No pude encontrarlo. D'accord. Hein? No pude encontrarlo. Et je ne pouvais pas le faire. Ça sera? No lo podía. Le faire? Hacerlo. Ah, j'ai dit le deux fois. Alors c'est no podía hacerlo. Bien. Hein? No podía hacerlo.